le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Il est des années remarquables, des dates qui ponctuent la chronologie. Certaines sont des constructions intellectuelles, des inventions au sens où elles ont été imposées tardivement. C'est le cas avec l'année 476, la chute de Rome. D'autres reflètent plutôt un moment, une période de transition vers un nouveau monde, comme par exemple l'année 1520. Et puis il y a des années durant lesquelles les contemporains assistent à l'effondrement d'un monde, le leur, avec des doutes immenses sur l'avenir, de quoi demain sera fait. C'est le cas en 1870. Le 1er janvier, dans les journaux, il est question d'un sordide fait divers, l'affaire Troppmann, un tueur sadique. Il est aussi question des affaires politiques, d'Émile Ollivier, républicain rallié à l'Empire qui entre au gouvernement. Il est aussi question d'une grande fête qui se prépare au théâtre de la Porte Saint-Martin. 12 mois plus tard, le 31 décembre 1870, les journaux parlent cette fois du siège de Paris, de bombardement. Il n'est plus question d'empereur, mais de république. De leur côté, les artistes du théâtre de la Porte Saint-Martin participent à une représentation extraordinaire au profit des familles nécessiteuses. Pour Victor Hugo, 1871 est l'année terrible, mais celle qui la précède, 1870, n'est pas mal non plus, car il y a un avant et un après 1870. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, année charnière, l'histoire au tournant, oui, quand un monde nouveau est à reconstruire, des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, la balade de diffusion, des émissions à commenter sur le groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Oui, le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui nous partons en 1870 qui nous conduit vers l'année terrible, l'année 1870, une année souvent résumée à la guerre franco-prussienne, une année beaucoup plus complexe, vous allez nous en parler. Éric Anceau, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Éric Anceau, vous enseignez à l'Université Paris-Sorbonne, l'histoire du 19e siècle, grand spécialiste du Second Empire. Vous êtes l'auteur de « Ils ont fait et défait le Second Empire » chez Talendier, votre dernier ouvrage. Vous êtes le biographe de Napoléon III, une biographie qui fait toujours référence. Dites-nous Éric Anceau, cette année 1870 est complexe parce qu'elle est résumée à cette guerre, mais qui est en fait une guerre qui commence à l'été. C'est-à-dire, une année, c'est quand même 365 jours, c'est très long. Aujourd'hui, nous sommes sur des commémorations de ces événements. L'année 1870, choisie comme année charnière, cela vous paraît-il pertinent ? Ah, c'est tout à fait pertinent. C'est avec 1815, sans doute, l'année clé du 19e siècle, puisque vous l'avez dit, nous commémorons cette année le 150e anniversaire de la guerre de 1870, et cette guerre va modifier l'équilibre géopolitique de l'Europe. Bien évidemment, elle va voir les modifications fondamentales en Allemagne, avec la création d'un empire en vertu du principe des nationalités. Quasiment le parachèvement de l'unification italienne, il ne restera plus que quelques terres irrédentes. Elle est importante sur la façon de faire la guerre, car elle va la modifier, sur le droit international. Et puis pour nous, Français, bien évidemment, parce qu'elle va marquer un changement de régime durable, l'installation le 4 septembre 1870 de la République, hors la parenthèse de Vichy, le régime désormais ne sera plus jamais remis en cause. C'est un bouleversement également de la place de la France sur la scène de l'Europe et du monde. Elle perd sa puissance économique, elle est amputée de son territoire. Et puis on en parlera peut-être, c'est toute une réflexion sur ces élites qui ont failli, comme à d'autres reprises de son histoire, mais alors là, à grande échelle. Éric Anceau, vous allez publier « Les élites françaises, des lumières au grand confinement ». C'est aux éditions Passé Composé. Nous allons parler des élites, effectivement. Et je vous propose que nous traversions cette année de manière chronologique, étant donné que, plus que jamais, cette année est source de surprise pour les contemporains qui ne peuvent à aucun moment imaginer ce qui va advenir. Tenez, mettons-nous dans la position de quelqu'un du 1er janvier 1870 qui regarde la France, qui regarde l'Europe, le monde. La guerre n'est pas encore imaginable. En fait, quel est ce monde en France en 1870? Nous sommes sous l'Empire, Napoléon III est au pouvoir. Alors la guerre n'est pas imaginable, pas tout à fait malgré tout, parce que il y a une tension internationale et tout particulièrement une tension franco-prussienne qui est en place, je dirais, depuis le milieu des années 1860. Et la victoire des Prussiens à la bataille de Sadowa, le 3 juillet 1866, contre les Autrichiens. Cette bataille va dessiller les yeux des Français et leur faire rendre compte en fait du danger que représente la Prusse, en particulier l'empereur Napoléon III. Et un essayiste français, un journaliste bien connu de l'époque qui s'appelle Anatole Prévost-Paradol, publiera en 1868 un ouvrage qui s'appelle « La France nouvelle » et dans lequel il dira que la France et la Prusse sont deux trains express lancés à pleine vitesse sur le même rail en sens opposé. Le choc est inévitable. Alors il n'en demeure pas moins qu'en ce début de l'année 1870, et en cela vous avez raison, les préoccupations des Français sont ailleurs, puisque on attend la composition du nouveau gouvernement. Le 26 décembre 1869, l'empereur Napoléon III a appelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction, Émile Ollivier, à composer un gouvernement représentatif de la majorité parlementaire, ce qui est une grande première sous le Second Empire depuis 1852. Et puis, pour les catholiques, on a également les yeux tournés vers Rome, puisque s'y tient un grand concile œcuménique, en fait le premier concile de ce type depuis le concile de Trente, imaginé au XVIe siècle. Oui, Napoléon III est empereur depuis 1852, avec un empire évidemment très contesté. Nous sommes héritiers de cette image-là, véhiculée par Victor Hugo notamment. Pourtant, dans ces années 1869-1870, du point de vue politique, il se passe quelque chose de majeur. Je vous propose d'écouter l'heure de culture française, une magnifique émission en 1955, série d'émissions, mais qui, ce jour-là, nous étions le 7 octobre, s'intéressait à la France sous Napoléon III. Oui, l'heure de culture française s'intéressait à l'Empire libéral. Napoléon III prépare une nouvelle réforme. Le Sénatus consulte du 8 septembre 1869 donne au corps législatif le droit d'élire son président, d'établir son règlement, d'interpeller sans restriction et de voter des ordres du jour motivés. Il étend son droit d'amendement, il lui confère l'initiative des lois. Parallèlement, le statut du Sénat se rapproche encore plus de celui de l'ancienne Chambre des Pairs. Enfin, les ministres auront désormais entrée dans les deux chambres et ils pourront être choisis parmi les députés ou les sénateurs. L'heure de culture française en 1955 qui évoque l'Empire libéral, le Second Empire. Alors je ne peux pas dire à la fin puisque personne ne le sait en 1869, au début de l'année 1870, personne n'imagine que l'Empire va s'effondrer. Et nous entendons qu'il y a des réformes profondes. Éric Anceau, vous avez étudié l'Empire libéral, vous en avez d'ailleurs fait un ouvrage en deux volumes. Cet empire libéral est très intéressant parce que, dans ce que nous venons d'entendre, il y a plus de pouvoir donné aux assemblées. Pour résumer la chose, nous ne sommes pas encore dans un régime parlementaire, bien sûr, et pourtant, il y a une série de réformes qui continuent au début de l'année 1870 et qui tendent à la libéralisation du régime. Tout à fait. René Raymond avait cette formule pour qualifier l'Empire libéral. Il l'appelait empire semi-parlementaire. Et c'est vrai, votre petite pastille a très très bien montré beaucoup plus de prérogatives pour le corps législatif, qui est l'équivalent, si vous voulez, aujourd'hui de notre Assemblée nationale. L'empereur Napoléon III, pour la première fois depuis 1852, qui accepte de se dessaisir de pans entiers de son autorité, tout en gardant ce qui demeure essentiel à ses yeux, c'est-à-dire le contact direct et à tout moment possible avec le peuple par le biais du plébiscite. Alors, Émile Ollivier, qui arrive au pouvoir le 2 janvier 1870 et en concertation avec l'empereur Napoléon III, a tout un programme de réformes en tête qu'il va commencer à mettre en place. Et vous l'avez dit, en particulier, des réformes libérales. On va supprimer, par exemple, le système de la candidature officielle qui faisait que les candidats gouvernementaux à toutes les élections législatives, les élections cantonales, les élections municipales, avaient une prime sur leurs adversaires politiques, les républicains, les légitimistes, les orléanistes, bénéficiaient de l'affiche blanche, de tout l'appareil gouvernemental pour faire campagne. Eh bien, cette candidature officielle est supprimée. Et supprimer également une loi de sûreté générale qui permettait, qui avait été votée en 1858 au lendemain d'un attentat, l'attentat d'Orsini contre la vie de l'empereur Napoléon III, et qui permettait de pourchasser les opposants et de les déporter. Eh bien, cette loi est abrogée. Alors, du côté positif, également de très très grandes lois, une réforme de la justice, l'idée de créer un conseil du travail qui ressemble aujourd'hui à notre conseil économique, social et environnemental, et puis des commissions extra-parlementaires pour décentraliser la France. Imaginez, dans un régime bonapartiste, un régime centralisé, on va donner plus de pouvoir aux autorités locales. Une commission également pour mettre en place la liberté de l'enseignement supérieur. Une commission également pour modifier le régime administratif de la ville de Paris. Une commission pour réfléchir à la liberté des échanges et voir s'il ne serait pas bon, elle avait été décidée en janvier 1860 avec l'Angleterre, de revenir à une dose de protectionnisme. Voilà quelques-unes des réformes qui sont initiées au début de l'Empire libéral. Avec cette question, Éric Anceau, pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là, en 1869, donc l'Empire a été proclamé en 1852 quand même, c'est un petit moment, pourquoi là, à ce moment-là, Napoléon III décide de faire des réformes ? Parce que ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire aujourd'hui, ce sont ces moments charnières. Et nous sentons bien que pour les contemporains, au début de l'année 1870, il y a le sentiment, tiens, qu'il se passe quelque chose, alors du point de vue des institutions. Mais alors pourquoi à ce moment-là ? Alors, il y a plusieurs raisons. Depuis le début des années 1860, Napoléon III libéralise son régime. Au lendemain de son coup d'État du 2 décembre 1851, qu'il avait perpétré quand il était président de la République, il y avait eu un tour de vis autoritaire extrêmement fort. Oui, mais voilà, 8 à 9 ans s'étaient passés, de nouvelles générations étaient arrivées aux affaires, qui ne comprenaient pas toujours pourquoi on vivait sous ce régime de contraintes. Et Napoléon III, depuis 1856, avait un héritier, le prince impérial, dont il préparait la succession. En 1868, par testament, il prévoit de lui céder la main, d'abdiquer en sa faveur à sa majorité en 1874. Et il va falloir préparer cette succession, en fait, dès 1869. Alors le cours de l'histoire s'accélère à ce moment-là brutalement, car ont lieu des élections législatives en mai-juin 1869, qu'on peut qualifier, c'est ce que je fais dans mes ouvrages, si vous voulez, de première élections législatives de l'ère contemporaine. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'apparaît le mot de campagne électorale que nous connaissons bien aujourd'hui, une campagne électorale libre, ces fameuses candidatures officielles qui n'ont plus vraiment la main, si vous voulez, et une poussée très forte des libéraux d'opposition. Vous avez sur 288 députés, 72 opposants qui sont élus, dont une moitié de républicains, mais surtout, ce qui est inquiétant pour le pouvoir, libéraux dynastiques au sein même des bonapartistes, qui font que les bonapartistes autoritaires ne sont plus majoritaires, et ils vont demander, par le biais d'une demande d'interpellation en juillet 1869, à Napoléon III de libéraliser encore plus son régime. Non sans hésitation, encouragé dans la libéralisation par le président du corps législatif Eugène Schneider, Napoléon III va finir par céder et s'enclenche le processus que vous avez décrit de passage à l'Empire libéral. L'Empire libéral, le monde change, le monde politique change en France dans ces premiers mois de l'année 1870 avec un personnage, alors j'allais dire oublié, non, il n'est pas si oublié que ça, enfin, il s'appelle Émile Ollivier, Ollivier avec deux L. Émile Ollivier, donc, qui entre au gouvernement, qui dirige le gouvernement. Pour simplifier, disons que c'est un républicain rallié à l'Empire, ce qui est quand même un parcours étonnant. Émile Ollivier a-t-il été séduit par la politique sociale de Napoléon III ? Eh bien écoutez, c'est la question que se posaient en décembre 1969, donc un siècle plus tard, les historiens réunis sur France Culture dans l'émission Napoléon III, 100 ans après. Je me posais la question, Gabriel de Lavarande et Suzanne Desterne, Émile Ollivier avait-il été séduit précisément, en dehors du caractère charmant de l'empereur, par le fait que Napoléon III avait décidé de donner aux ouvriers le droit de grève, ce qui devait avoir une influence extraordinaire sur notre 19e et notre 20e siècle français, et en plus avait pratiquement créé ou favorisé la création en sous-main de la première internationale ouvrière mondiale. Je crois que Napoléon III était très passionné par le souci des pauvres et qu'il a découvert avec Émile Ollivier la même sensation, n'est-ce pas, Suzanne Stern? Oui, il lui a dit « Vous êtes le ministre dont j'ai toujours rêvé et que je n'ai jamais rencontré » parce que tous deux avaient la même passion de réformer la société pour améliorer la condition ouvrière. Mais alors, il y a eu des quantités de réformes selon le cœur de l'empereur qui ont été proposées par Émile Ollivier, les retraites ouvrières, la participation aux bénéfices, etc. Oui, on l'oublie souvent, hein, il y a des mesures sociales sous le Second Empire. Le droit de grève, c'est sous le Second Empire en 1864. Éric Anceau, Émile Ollivier est un personnage intéressant. Alors oui, oublié parce que républicain rallié à l'Empire, quand l'Empire chute, c'est sûr que les républicains le regardent d'un mauvais œil. Il y a, dans ce que nous venons d'entendre, l'évocation de la grande masse de la population, ce qui nous intéresse pas qu'aux puissants, loin de là, bien au contraire, c'est le peuple qui est intéressant, les gens. Et effectivement, cette année 1870 est intéressante, par exemple, pour le monde ouvrier. Les ouvriers qui regardent leur engagement dans la société se disent, tenez, on va peut-être avoir un peu plus de poids. C'est important pour l'ensemble de la société aussi, cette année 1870. C'est capital, effectivement. Napoléon III vit dans la mystique de faire l'unité nationale. Et lui manque en grande partie, alors il a le soutien très massif des paysans, enfin il faudrait relativiser bien évidemment en fonction de la carte de France, mais en revanche, les ouvriers c'est un petit peu l'inverse. Vous avez certains ouvriers, je pense à Carmaux par exemple, qui lui sont plutôt favorables, mais la majorité des ouvriers lui est hostile. Et sa fibre, ça a été rappelé dans l'extrait, le pousse à accorder des réformes aux ouvriers, mais son intérêt politique également. Et donc, en 1870, on va abroger le livret ouvrier, voilà une autre réforme de l'Empire libéral, qui était un passeport intérieur pour les ouvriers, qui existait depuis le consulat, depuis l'oncle de Napoléon III. Et puis, on va initier, effectivement, ça a été rappelé, un certain nombre de caisses de réformes de la retraite, par exemple, et autre chose. Je reviens un petit peu sur Émile Ollivier. Le personnage est très, très intéressant parce que, effectivement, vous avez raison, la question ouvrière est l'un des éléments qui va rapprocher Émile Ollivier de Napoléon III, mais il y a d'autres éléments. Il y a le fait qu'il vient du républicanisme, et c'est une très belle prise de guerre, bien sûr, pour Napoléon III, mais il y a également le fait qu'il est jeune, il a 44 ans en 1869, et c'est un excellent orateur, c'est l'un des plus grands orateurs de l'époque. À l'époque, être un orateur, la rhétorique, c'est capital pour une carrière politique, et dans le cadre de l'Empire libéral, on va avoir besoin d'un principal ministre qui pourra porter la parole au corps législatif. Et puis un autre élément, c'est la question des nationalités. Napoléon III, comme Émile Ollivier, sont très sensibles à cette question des nationalités. Il y a une italophilie chez Émile Ollivier, une germanophilie, qui le pousse vers l'unité italienne et l'unité allemande, ce que souhaite Napoléon III, pour le meilleur par certains côtés, mais on va sans doute être amené à le dire, également pour le pire. Ah oui, c'est une question essentielle que vous soulignez là, Éric Anceau, cette question des nationalités. La politique française se comprend à l'aune de la politique européenne. Nous sommes dans cette période des années 1860 où se met en place les unités. Alors l'Italie était divisée en plein de petits états et l'Italie est en marche vers son unité. Là, c'est factuel avec l'intervention de la France. Il y a cette autre question d'un état divisé en plein de petits états, c'est l'Allemagne. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Il se passe quelque chose à ce moment-là en Allemagne qui est fondamental, l'Allemagne veut son unité avec des personnages incroyables en Allemagne et notamment Bismarck. Exactement. Alors, si on prend les choses sur le temps long et de façon très synthétique, imaginez le morcellement de l'Allemagne avant la Révolution française. 350 États la composent, hein, de grands comme le Royaume de Bavière, de petits comme des villes-États. On pensera par exemple à Brême ou Lübeck. le processus révolutionnaire, l'empereur Napoléon vont commencer à unifier l'Allemagne et le congrès de Vienne en 1815 prendra acte de cela puisque le Deutscher Bund, c'est-à-dire la Confédération germanique, réunira sous l'autorité de l'empereur d'Autriche, qui en est le chef d'État, de 39 à 41 États. Le nombre variera un petit peu au cours des années. Et puis, à partir de 1848, le roi de Prusse va entrer en ligne et tout un courant en Allemagne va se faire jour pour la création de ce qu'on appelle une petite Allemagne, c'est-à-dire une Allemagne débarrassée de l'empereur d'Autriche et qui s'unifierait autour de la Prusse. Et c'est avec l'arrivée de Bismarck, vous l'évoquiez tout à l'heure, quand il devient ministre-président de Prusse en 1862, que le processus s'enclenche véritablement. Le discours de politique générale devant le Landtag de Prusse de Bismarck est resté célèbre, puisqu'il parle de faire l'unification allemande autour de la Prusse, s'il le faut, par le fer et par le sang. Il restera aux yeux de l'histoire sous le nom de chancelier de fer. Et il va s'y atteler au cours des années 1860, un processus en trois temps, si vous voulez. Une première guerre menée conjointement aux côtés des Autrichiens et des autres Allemands contre le Danemark, qui est victorieuse en 1864. Puis, dans un deuxième temps, Bismarck et la Prusse se retournent contre l'Autriche. On pensait une guerre longue et elle va être très courte, puisqu'en une bataille, les Prussiens vont écraser les Autrichiens. C'est la bataille de Sadowa, le 3 juillet 1866. Et là, sont créées deux grandes confédérations, séparées par le fleuve Main. Au nord du Main, la Confédération de l'Allemagne du Nord, dont le roi de Prusse est le chef de l'État, et Bismarck le chancelier. Et au sud, une confédération de l'Allemagne du Sud, bien nommée, composée de grands États, que sont le Württemberg, la Bavière, le Hesse-Darmstadt, ou le Grand-Duché de Bade, rétif à la Prusse parce que catholiques, attachés, pour la plupart d'entre eux, attachés à leur indépendance, et ça va être le génie, on peut le dire, de Bismarck, de faire une guerre contre la France qui va, c'est le retour, on va dire, à l'humiliation de la bataille d'Iéna sous le Premier Empire en 1806. Hein, il y avait une francophobie en Allemagne assez prononcée à ce moment-là, et bien permettre de faire l'unité allemande à la faveur de la guerre de 1870. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aujourd'hui à ces années charnières, à ces tournants de l'histoire, à ces moments particuliers où quelque chose bouillonne et un monde nouveau surgit ensuite. L'année dernière, on était en 1869. Cette année, on est en 1870. Cela n'a l'air de rien, mais ça change tout. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Oui, le cours de l'histoire aujourd'hui se trouve en 1870, dans une situation bouillonnante, mais au début de l'année, c'est sûr que les préoccupations guerrières, si elles sont présentes, ne sont pas mises toujours en avant. Non, on écoute par exemple Jacques Offenbach, qui a proposé quelques mois plus tôt, c'était en juillet 1869, un opéra bouffe en trois actes, La princesse de Trébizonde, avec un air magnifique. Oui, c'est l'air du mal de Dant. Mon père, je voulais vous dire que je ne pourrais vous accompagner. Et pourquoi ça ? Je viens d'être pris d'une rage de dents. Oh, c'est trop fort ! Ah, est-ce une molaire ? Est-ce une canine ? Dites un mot, et sans douleur ! Oh, j'ai failli me trahir. Ah, ça me lance ! D'où vient cette crise soudaine ? Et quel est ce nouveau détour ? Mon fils, la chose est certaine, s'apprête à me jouer un tour. Oh, oh. Il a mal aux dents. Oh, oh. Il a mal aux dents. Oh, oh. Oh. J'ai mal aux dents, à quel tourment, quelle souffrance. Ah, j'ai mal aux dents. Ah, ça m'énonce. Ah, si je l'osais, de rage je mordrais. De rage je mordrais. L'air du mal dedans, la princesse de Trébizonde de Jacques Offenbach, c'était en 1869 et c'était dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, à la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à cette année 1870. Éric Anceau, 1870, les premiers mois, nous l'avons vu, il y a une ambiance de tension internationale en Europe, l'Allemagne et la France se regardent un petit peu prêtes à bondir des deux côtés. Pour les Français, l'Empire est en train de changer. Que se passe-t-il en fait? Comment est provoquée cette guerre? Nous évoquons souvent une dépêche, une provocation venue de la Prusse qui déclenche la guerre. Qui veut la guerre en vérité? Est-ce la France ou est-ce la Prusse? Alors ça a été montré par les historiens, confirmant en cela ce que dira Émile Ollivier dans son monument qui s'appelle « L'Empire libéral ». Imaginez un ouvrage de 17 volumes qu'il publiera au cours des 25 dernières années de sa vie pour justifier sa politique à la tête de l'Empire libéral et pour justifier également l'entrée en guerre. Et l'un de ses chapitres s'appelle « Le guet-apens Hohenzollern ». Il estime que c'est Bismarck qui a ourdi en fait cette guerre. Et les historiens l'ont... Alors Bismarck lui-même confirmait les choses puisque retiré du pouvoir 20 ans plus tard, en mars 1890, il se confiera à un journaliste en disant « Voilà, c'est moi qui ai tout organisé pour favoriser l'unification allemande. » Alors certains l'ont cru, d'autres ne l'ont pas cru. Oui, mais voilà, aujourd'hui les historiens ont exhumé de nouvelles pièces du dossier qui montre qu'en fait, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, Bismarck a tout organisé. Je pense à Joseph Becker, mon collègue de l'université de Munich, hein, qui montre qu'en fait, depuis 1868, Bismarck cherche un piège à tendre aux Français pour qu'il soit l'agresseur. On évoquait tout à l'heure les deux confédérations. La confédération de l'Allemagne du Sud n'entrera en guerre que si c'est la France qui agresse. La Prusse et la Confédération de l'Allemagne du Nord. Et puis, il faut faire très attention parce que l'Angleterre, parce que l'Autriche, parce que l'Italie peuvent soutenir la France. Et pour les détacher de la France, il faut véritablement que eh bien, la France agresse. Et ça va être le piège tendu que vous évoquiez, en fait, à la faveur de la succession d'Espagne, puisque le trône espagnol est vacant, depuis que la reine Isabelle et l'infant se sont réfugiés en France, il n'y a plus de souverain, et Bismarck va pousser un membre de la famille de son roi, un cousin éloigné qui s'appelle Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, à monter sur le trône. Les Cortés d'Espagne, fin juin, vont avaliser ce passage au trône, et lorsque la nouvelle va être apprise à Paris, il va y avoir 15 jours de crise diplomatique au terme desquels, le 15 juillet 1870, le corps législatif, à la demande de Napoléon III, va voter les crédits de guerre et 4 jours plus tard, la France déclarera la guerre à la Prusse et très vite se retrouvera en guerre contre la Confédération de l'Allemagne du Nord, puis contre la totalité des États allemands. Oui, c'est vrai que nous imaginons les Français qui n'ont pas envie d'avoir un Prussien en Espagne et un Prussien en Allemagne, parce que c'est un petit peu pris en sandwich dans ce cas-là. Et la stratégie de Bismarck est très claire. Pour unifier l'Allemagne divisée en plein d'États, il faut un ennemi commun. Eh bien, c'est la France, avec la question qui se pose à ce moment-là, et celle des élites, et celle de l'adhésion à l'empereur dans cette guerre, ou pas cette guerre. C'est la question qui se pose à l'été 1870. Alors, vous nous l'avez dit, hein, les crédits de guerre sont votés dès le 15 juillet, Éric Anceau. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Histoire de France sur la troisième chaîne de la télévision française. C'était en octobre 1978 où la question qui se posait était celle de l'esprit de revanche, donc celle de la guerre. Les affaires ont bien marché pour les bons serviteurs de l'Empire, mais à quel prix? Un régime policier sans précédent? Des libertés étranglées? Dans la presse, nous en savons quelque chose. Des guerres? Des guerres sans profit et sans raison, 200 millions dépensés, 20 000 morts au Mexique, madame. Napoléon lui-même nous avait déclaré en 1852, ici même à Bordeaux, l'Empire c'est la paix, maintenant c'est la guerre. Et nous allons nous battre dans l'intérêt dynastique de cet homme-là. N'est pas une consolation. Vous allez vous battre, vous? Notre armée n'est pas assez puissante pour nous défendre, non? Oh, sûrement. Le général Leboeuf nous a bien dit qu'il ne nous manquait pas un bouton de guêtre. Tenez, j'ai relevé ça dans le moniteur. Les chassepots, il y en a pour tout le monde, et les cartouches, plus de 150 millions, prêtes à prendre feu et à célébrer cette petite fête militaire. Cette petite fête militaire, véritable traumatisme en réalité pour la France, est un extrait de l'émission Histoire de France sur FR3 en 1978. Éric Anceau, cette question des élites est au cœur de la compréhension de cette période assez trouble hein, de l'année 1869-1870 évidemment, et puis de ce qui suit. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages qui portent sur ces élites, et notamment Ils ont fait et défait le Second Empire, et puis bientôt vous allez publier Les élites françaises des Lumières au grand confinement. Dites-nous, Éric Anceau, quel est le positionnement des élites au moment de cette guerre de 1870? Alors cette question, Xavier, est tout à fait fondamentale. Pourquoi? Parce que l'une des raisons que nous n'avons pas encore évoquées, ou trop peu, du passage à l'Empire libéral, c'est la volonté de Napoléon III de rallier les élites, les libéraux de tous bords, les libéraux, qu'ils soient orléanistes, légitimistes ou républicains, qui sont à l'époque ce que l'on appelait dans les milieux bonapartistes les anciens partis. Et donc l'idée, c'est avec l'Empire libéral d'avoir les têtes pensantes, les grandes figures de ces partis qui se rallient. Et le mouvement est en train de réussir. On évoquait tout à l'heure les commissions extra-parlementaires. Imaginez que celle de décentralisation est présidée par Odilon Barrot, qui était la grande figure de l'opposition dynastique des orléanistes de gauche, pour faire simple, sous le roi Louis-Philippe. Imaginez que la commission de liberté de l'enseignement supérieur est présidée par Guizot, le grand ministre de Louis-Philippe, qui, après avoir boudé pendant plus de 20 ans la politique, y revient, on le voit, fréquenter, par exemple, les réceptions du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères en 1870. Le propre fils de Guizot devient directeur au ministère de l'Intérieur, hein, directeur des cultes. Donc vous voyez, vous avez un rapprochement qui s'opère. Et les républicains, ce qu'on dit trop peu, sont extrêmement divisés, puisque vous avez des républicains très modérés, je pense à Ernest Picard, par exemple, qui fonde une gauche ouverte et on va dire le coin, c'est la nouvelle constitution d'avril 1870 et le plébiscite qui va la ratifier le 8 mai 1870, qui va diviser en grande partie ces élites traditionnelles. Au lendemain de ce plébiscite, les républicains irréconciliables, comme ils s'appellent, je pense ici à un Léon Gambetta, je pense à un Jules Ferry, je pense à un Jules Grévy ou un Jules Favre, diront « il n'y a plus rien à faire en politique ». Pourquoi? Car le plébiscite est triomphal d'une part, et parce qu'un grand nombre de membres des élites libérales sont en train de se rallier à l'Empire. On le verra, par exemple, à la faveur des élections cantonales, qui n'avaient pas été étudiées, que j'ai étudiées dans mon livre sur l'Empire libéral, où un grand nombre de ces orléanistes ou républicains modérés se présentent sous l'étiquette de l'Empire libéral et se font élire. Anatole Prévost-Paradol, l'opposant qu'on évoquait tout à l'heure, va accepter l'ambassade de Washington. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, ces élites se rallient à l'Empire. Éric Anceau, vous évoquez ce plébiscite du 8 mai 1870 qui est un véritable succès. En plus, oui, vous avez étudié alors ce plébiscite et puis les élections de cette période-là. Il n'y a pas tellement de fraude en plus. Ça a l'air de bien se passer maintenant, parce que ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Oui. Exactement, la candidature officielle a été répudiée, les élections sont libres, vous avez le Conseil d'État qui examine en fait les recours des élections, le corps législatif pour les élections législatives, et qui se montre extrêmement scrupuleux dans l'examen des fraudes, hein, n'hésitant pas à invalider les candidats qui auraient fraudé, et puis il n'y a plus la candidature officielle, ce sont donc des élections entièrement libres. Le plébiscite se passe dans la plus entière liberté. Les opposants font de grands meetings, imaginez, des meetings qui réunissent plusieurs milliers de participants. Le seul bémol, la seule limite que je mettrais, je dirais, à ces libertés et à la liberté du vote, c'est le fait qu'un attentat va intervenir à 48 heures du scrutin, donc juste avant le 8 mai 1870, attentat dont je n'ai pas réussi, et les autres historiens non plus, à élucider le mystère, de savoir s'il était réel, attentat contre la vie de Napoléon III qui se tramait, ou bien s'il n'a pas été fomenté par les officines gouvernementales pour faire l'unité autour du régime. Mais c'est le seul bémol, la seule limite en fait à la liberté du scrutin. Voilà, le Second Empire, hein, c'est une longue période de 1852 à 1870, et ces derniers mois de l'Empire, en tout cas les premiers mois de l'année 1870, montrent une nette évolution du régime, mais une évolution qui est interrompue brutalement quand éclate la guerre. Nous écoutons la proclamation de l'empereur au peuple français, l'empereur Napoléon III, qui s'adresse à son peuple le 23 juillet 1870, une lecture par Tatiana Werner. Il y a dans la vie des peuples des moments solennels où l'honneur national violemment excité s'impose comme une force irrésistible, domine tous les intérêts et prend seul en main la direction des destinées de la patrie. Une de ces heures décisives vient de sonner pour la France. La Prusse, à qui nous avons témoigné pendant et depuis la guerre de 1860, les dispositions les plus conciliantes, n'a tenu aucun compte de notre bon vouloir et de notre longanimité. Lancée dans une voie d'envahissement, elle a éveillé toutes les défiances, nécessité partout, désarmement exagéré et fait de l'Europe un camp où règne l'incertitude et la crainte du lendemain. En présence des nouvelles prétentions de la Prusse, nos réclamations se sont fait entendre. Elles ont été éludées et suivies de procédés dédaigneux. Notre pays en a ressenti une profonde irritation et aussitôt, un cri de guerre a retenti d'un bout de la France à l'autre. Il ne nous reste plus qu'à confier nos destinées au sort des armées. Tatiana Werner, qui était Napoléon III dans la proclamation de l'empereur au peuple français le 23 juillet 1870. Éric Anceau, nous n'allons pas faire le détail de la guerre parce que dans cette question qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur ces années charnières, ces tournants, il y a beaucoup de représentations, de manières de percevoir les événements. Pour les Français, au début de l'été 1870, la victoire n'est pas acquise, bien sûr, mais enfin, est presque une certitude. Enfin, il n'y a pas tant d'interrogations que ça. On sait qu'il va y avoir de lourds combats, mais on y va serein. Oui. Très peu d'interrogations. Alors, il y a quelques figures présentées d'ailleurs comme des oiseaux de mauvais augure. Je pense à Adolphe Thiers, qui sera l'un des seuls, l'ancien chef de gouvernement de Louis-Philippe, qui sera l'un des seuls à dire dans la fameuse séance du 15 juillet 1870, la séance tragique de vote des crédits de guerre, faites attention, sommes-nous prêts, nous ne le sommes sans doute pas. On pense, et c'est très récurrent dans l'histoire de France, que, eh bien, la France est prête, la France est la meilleure, en particulier au sommet de l'État, et en fait on est complètement impréparé, si vous voulez. C'est assez fascinant de voir cette récurrence qui va se retrouver en 1940, et excusez-moi le parallèle, qui se retrouve aujourd'hui avec la crise de la pandémie qui nous frappe en 2020. Donc la mobilisation et la concentration vont se faire très mal, l'intendance est très inférieure à l'armée allemande, il y a un déséquilibre des forces, nous avons deux fois moins de soldats à mettre sous les drapeaux, malgré le vote en urgence en 1868 d'une loi qu'on appelle la loi Niel et qui était chargée de mettre l'armée française au niveau de l'armée prussienne. Un défaut de stratégie, Napoléon III changera au dernier moment la stratégie, on croit qu'on a des alliés, on le disait tout à l'heure, et finalement on n'en aura pas. Et puis on évoquait la faillite de l'élite, alors élite politique, mais élite militaire, dans la mesure où nos chefs ne sont pas des stratèges, ils ont gagné leur grade camarades en Afrique, en Algérie, au Mexique, on le rappelait tout à l'heure, en Chine, en Syrie, mais pas du tout sur des théâtres d'opérations de guerre moderne en Europe, comme l'armée prussienne, guerre du Danemark, guerre contre l'Autriche. Donc il y a un déséquilibre des forces, avec à la tête de l'armée, au nom du charisme du chef de l'État et de la mystique napoléonienne, Napoléon III veut faire comme son oncle Napoléon Ier, et il n'a pas son talent militaire, il est à la tête de l'armée, en plus il est très malade, donc il est atteint de la maladie de la pierre, donc si vous voulez, toutes ces causes mises bout à bout vont faire que cette guerre va être une succession de défaites, jusqu'à la bataille de Sedan, fatale pour le Second Empire. Oui, la maladie de la pierre, en fait les calculs rénaux, c'est enquiquinant quand on est chef de guerre et que l'on doit monter à cheval pour l'empereur Napoléon III. La défaite de Sedan est un moment, là aussi pour les contemporains, de rupture évident, lorsque la nouvelle se propage que l'empereur des Français a été fait prisonnier. Ce qui signifie la défaite dans le même temps, dans une compréhension toute simple, même si ce n'est pas le cas parce que la guerre continue. Mais on peut parler vraiment sur cette période-là, sur cette fin d'été et puis le mois de septembre-octobre, d'un vrai traumatisme pour les Français. Ah oui, parce que on l'évoquait tout à l'heure, si vous voulez, l'opinion française va évoluer sous forme de sinusoïde. Il va y avoir à plusieurs reprises des rumeurs de grandes victoires. C'est Stéphane Audouin-Rousseau qui, il y a quelques années, avait fort bien montré ça dans un livre qu'il avait appelé 1870, les Français et la guerre. Et on pense que, voilà, il y a eu les premières défaites, mais la France, avec son armée, avec son empereur, va redresser la situation. Et lorsqu'à Paris, on apprend cette capitulation infamante de Sedan et que l'empereur Napoléon III est prisonnier, hein, ça n'est pas un armistice. Napoléon III a voulu une capitulation, donc livrer en fait l'armée vaincue à Sedan pour pouvoir préserver les chances de la France dans le conflit au péril de son propre régime. Eh bien, on ne croit pas si bien dire, puisque dès que la nouvelle va être connue à Paris, ça va être la révolution du dimanche 4 septembre à Paris qui va renverser le Second Empire, sans résistance d'ailleurs du régime, hein. Il n'y aura pas de sang versé le 4 septembre 1870 et ça va être la proclamation de la République. La proclamation de la République, donc là nous avons un changement de régime en France le 4 septembre, cette date que l'on retrouve encore régulièrement sur des stations de RER ou sur des rues en France, ce 4 septembre 1870, proclamation de la Troisième République. Faut rappeler, Éric Anceau, que la guerre continue. Effectivement, quand nous parlons de cette période, 1870, nous pensons à la guerre et très vite apparaît d'autres idées, le siège de Paris, la Commune, tout ça c'est bien plus tardif, hein. La Commune c'est vraiment à la fin 1870 et surtout 1871. Là, nous sommes encore dans un moment de doute pour l'avenir. Il n'y a rien de pire pour des gens qui vivent leur quotidien, leur métier, leur famille, de ne pas savoir du tout de ce que sera fait l'avenir. Exactement. Alors, il y a un témoignage qui est très intéressant, c'est celui de George Sand, hein, qui de Paris s'était rendu dans son cher Berry et nous rapporte les impressions des paysans berrichons qui n'y comprennent absolument rien, puisque voilà, on voit la guerre déclarée, de grands espoirs de victoire, les défaites qui s'enchaînent, la chute du Second Empire, la proclamation des républicains et dans les campagnes françaises, dans une majorité des campagnes, une grande peur. Rappelez peut-être que le 4 septembre 1870, les républicains sont extrêmement divisés, certains sont révolutionnaires, on les appelle à l'époque les rouges, et ils vont être en quelque sorte volés de leur victoire, parce que ce sont des républicains beaucoup plus modérés qui vont prendre le pouvoir. C'est un Jules Favre, par exemple, c'est un Jules Simon, hein, des républicains libéraux modérés, et ils vont placer à leur tête, imaginez, le général Trochu, qui se revendique comme orléaniste, comme conservateur, comme catholique. Il s'agit, avec le général Trochu, de rassurer la province. Oui, rassurer la province, rassurer la France dans un moment d'incertitude au dernier mois de l'année 1870. Il faut rappeler combien cette année 1870 était restée dans les mémoires, elle l'est encore aujourd'hui. Nous commémorons le 150e anniversaire de tous ces événements. Mais c'est vrai que jusqu'à la guerre de 14, 1870 était la référence, notamment parce que la littérature s'en empare. C'est le cas d'Émile Zola qui, en 1892, donc un peu plus tard, écrit La débâcle, une lecture par Tatiana Werner. C'était vers 3h30 que Mac Mahon avait télégraphié à Bazaine que l'arrivée du prince royal de Prusse à Châlons le forçait à se replier sur les places du Nord. Et une autre dépêche allait partir pour le ministre de la guerre, l'avertissant également de la retraite, lui expliquant le danger terrible où se trouvait l'armée d'être coupée et écrasée. La dépêche à Bazaine pouvait courir si elle avait de bonnes jambes, car toutes les communications semblaient interrompues avec Metz depuis plusieurs jours. Mais l'autre dépêche, c'était plus grave. Et baissant la voix, le pharmacien raconta qu'il avait entendu un officier supérieur dire « S'ils sont prévenus à Paris, nous sommes foutus. » Oui, ben, ils étaient effectivement foutus, Tatiana Werner, dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui disait un extrait de la débâcle d'Émile Zola. Éric Anceau, 1870, cette année charnière, cette année de tournant, se termine dans l'incertitude. J'évoquais la Commune, bien sûr, qui est un épisode majeur de notre histoire. En décembre 1870, ce qui intéresse les gens, c'est le siège de Paris. Mais la notion de commune insurrectionnelle est-elle déjà présente ? Oui, tout à fait, parce qu'on évoquait la révolution du 4 septembre, mais le peuple de Paris, qui trouve le gouvernement beaucoup trop modéré, et en particulier Jules Ferry, qui est le préfet de la Seine, va se révolter pour réclamer, nous sommes en octobre, des élections qui ne vont pas lui être accordées. Si vous voulez, les républicains de gouvernement craignent de voir l'Empire ressusciter à la faveur d'élections, et le peuple de Paris, lui, au contraire, souhaiterait qu'une commune, dès ce moment-là, soit mise en place. Alors, ça ne va pas lui être accordé. Vous évoquiez le siège de Paris. Hein, c'est un siège absolument terrible. Hein. Il a commencé à la mi-septembre 1870. Le peuple de Paris est affamé. Le général Trochu va faire 7 tentatives de sortie, imaginez, qui toutes vont échouer. Victor Hugo sera extrêmement dur avec Trochu. Trochu, disait-il, participe passé du verbe trochoir. Et donc, pour les Parisiens, fin décembre 1870, se profile déjà l'horizon de la famine et de la défaite, d'autant plus que les Prussiens commencent à bombarder fin décembre 1870 avec leur gros canon Krupp, la capitale, pour affaiblir le moral de Paris. Mais le Parisien est un résistant, et vous l'avez dit tout à l'heure, au moment de l'armistice, quand on va vouloir lui retirer les canons de la défense de Paris, eh bien, il se soulèvera, et c'est l'épisode de la Commune, à partir de mars 1871. Et pour comprendre une année charnière, il faut toujours regarder sur le temps long. Cette année 1870 a des échos majeurs. 1870, défaite de la France, chute de l'Empire, perte de l'Alsace-Lorraine. Et cet écho nous conduit à la Première Guerre mondiale avec la revanche. Et nous savons combien la fin de la Première Guerre mondiale, si mal organisée, conduit à la Seconde. Il y a quelque chose d'essentiel dans cette période-là, cette année 1870. Exactement, c'est ce que nous avions voulu montrer dans une grande exposition que nous avions organisée au Musée de l'Armée en 2017. France-Allemagne, 1870-1871, la guerre, la commune, les mémoires, pour resituer cet épisode dans le temps long. Tout à l'heure, j'évoquais Iéna, 1806, mais bien évidemment, vous l'avez dit, la guerre de 1870, c'est la matrice des deux guerres mondiales du XXe siècle, puisque d'une part, l'Allemagne devient surpuissante, à tel point même d'inquiéter le Royaume-Uni, d'inquiéter la Russie, qui finiront par s'allier à la France. Et puis, en France, vous avez ce désir de revanche. Hein. Ne jamais oublier que le traité de Francfort de mai 1871 ampute la France de deux de ses provinces les plus belles et les plus riches, l'Alsace-Moselle, une indemnité de guerre très lourde, 5 milliards de francs or, une occupation du territoire, histoire, hein, à l'instar de celle de 1815 ou de celle de 1944, et une république qui se construit sur cette idée de revanche autour de deux piliers. On n'a rien compris si l'on n'a pas compris ça. L'armée, avec une grande loi de réforme militaire, la loi Cisset de juillet 1872, et puis bien évidemment la fameuse école de la République, l'école de Jules Ferry. Et puis, elle est héritière de la guerre de 70. L'école de Jules Ferry, héritière de la guerre de 1870 et même de l'Empire auparavant. Victor Duruy était déjà en fonction sous l'Empire et il continue à œuvrer ensuite aux côtés de Jules Ferry. Il y a aussi un aspect politique qui est intéressant avec les propositions politiques du Second Empire qui ont un écho sous la République. Exactement. Alors, imaginez que la décentralisation, alors très modérée, hein, on est quand même dans un état jacobino-bonapartiste centralisé, mais les projets de réforme communale de 1870 verront le jour dans diverses lois, en particulier la loi de 1882. La liberté de l'enseignement supérieur, ça sera la loi Buffet de 1875, révisée ensuite par Jules Ferry lorsqu'il sera ministre de l'instruction publique, le retour à une forme modérée de protectionnisme également sous la Troisième République. Vous l'avez dit, les projets d'école qui étaient déjà dans les tuyaux, moins la laïcité tout de même, mais l'école gratuite et obligatoire, c'est Victor Duruy en très très grande partie, avec les petites filles scolarisées, et la réforme de l'élite qui était envisagée par Napoléon III, qui n'a pas pu mener à bien, mais qui verra le jour au lendemain de la guerre de 70, c'est la création de l'école libre des sciences politiques en 1872 pour refaire une tête de l'État, Sciences Po Paris aujourd'hui, Émile Boutmy, et puis 1876, c'est la création de l'école supérieure de guerre, car décidément notre commandement militaire a failli. Ah, il a drôlement failli. Merci beaucoup Éric Anceau de nous avoir proposé ce voyage dans le temps du 1er janvier 1870 au 31 décembre 1870. Nous avons commencé dans un empire en paix, nous avons terminé dans une république en guerre. Merci beaucoup Éric Anceau. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Gudès, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault. Des émissions à retrouver sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast. Demain, saut dans le temps, nous allons en 1990, une année de fin, une année de commencement avec François Cusset pour son livre « Une longue une histoire critique des années 90, de la fin de tout au début de quelque chose ».